Alors pour tous un grand merci, et surtout pour ceux qui nous ont soutenus, pour toute cette distance parcourue, pour ceux qui n'ont pas oublié qu'à la base mon vrai blas c'est Manu, le chercheur de phases dans les contrées inconnues, pour vous raconter la vérité comme c'était convenu, car elle ne sort que de la bouche de ceux qu'on n'écoute plus. Et pour vous parler des sujets un peu plus ou moins tendus, ne parlons pas devant de la peau de l'ours avant de l'avoir abattu, car on n'est pas encore arrivé. Pose-toi juste entre mon brillant et rive, et tu verras que la ruée vers l'or ne fait que commencer. Et on ne fait pas ça pour la gloire ni pour les gros billets, mais pour l'amour du hip-hop, car c'est la voix du peuple et c'est notre seul ticket de vous faire kiffer sur ce que l'on fait en espérant que ça là vous plaît. Tellement de personnes dans la vie qui auraient même pas cette place sur mon phone. Certains se croisent encore à côté de l'ascenseur, d'autres sont partis mais gardent une place spéciale dans nos cœurs. Je regrette aucun de ceux que j'ai carottes. J'ai jamais regretté de me mettre dans la merde pour un pote. C'est grâce à vous que j'en arrive là aujourd'hui. À tous un grand merci. À tous un grand merci. Un grand merci. Aucune grande dédicace pour les gens qui m'ont perdu de vue. Je suis toujours le même, j'ai pas changé, j'habite toujours la même rue. Je garde la pêche, mais quand la misère prend la place de mon concierge, j'ai balayé tous les jours devant ma porte. Le taf ça se passe, je fais mes heures et je me casse. Mes temps libres, je les passe plus ivres. J'essaie de m'accrocher au livre, mais j'étais plus attiré par les chiffres. Une des raisons de ma distance, j'ai trouvé le foutu en l'air ma chance. Aujourd'hui elle me répond plus, tout est rompu, j'en suis bien plus distante que jamais. L'espoir toujours présent à son poste, la mère présente devant ma porte. Je bédave toujours autant, j'ai toujours pas trouvé l'antidote. Je retourne au bled, ça faisait un bail, mais pas pour profiter. Mes bruits entourés mon père, j'ai eu le permis, je sais ce que vous dites. Non, c'est pas possible, mais pas lui. Mais 4 mois plus tard, ils l'ont regretté, ils me l'ont repris. J'ai croisé tellement de personnes dans la vie qui auraient même pas cette place sur mon phone. Certains se croisent encore à côté de l'ascenseur, d'autres sont partis, mais gardent une place spéciale dans mon cœur. Je regrette aucun de ceux que j'ai carottes. J'ai jamais regretté de me mettre dans la merde pour un pote. C'est grâce à vous que j'en arrive là aujourd'hui. À tous un grand merci. À tous un grand merci. Un grand merci. Ma vie me comble de soucis, grâce à mes potes je souris. J'en arrive à oublier mes années de sursis. Et pourquoi on s'est autant endurci? À tous ceux qui ont entendu mon appel, je voulais vous éviter le couloir de ceux qui ont déjà fait appel. La solitude est si longue si elle ne serait pas interrompue toutes les deux secondes par la sonnerie de mon Samsung. Dieu merci, la diversité qui m'apprécie pour ce que je suis fait et accompli. Ma famille aura là sans qui je ne serais pas là. Tournant la page, revenons 15 ans en arrière, là où on avait peur de franchir cette barrière, où on se retrouvait dans l'allée avant d'aller à l'école. Perturber ceux qui étudiaient, faire le con à la récré. En écrivant ce morceau, je me rends compte du bon qu'on a pu faire, de ceux qu'on revoit plus, qui à l'époque j'appelais mon frère. Mon frère. Mon frère. J'ai croisé tellement de personnes dans la vie qui auraient même pas cette place sur mon phone. Certains se croisent encore à côté de l'ascenseur, d'autres sont partis, mais gardent une place spéciale dans nos cœurs. Je regrette aucun de ceux que j'ai carottes. J'ai jamais regretté de me mettre dans la merde pour un pote. C'est grâce à vous que j'en arrive là aujourd'hui. À tous un grand merci. À tous un grand merci. Mes premiers textes posés avec les gars donnés LFDO, d'où N2S sur son flow. 2-3 morceaux avec 2-3 potes des grottes. Avec Louis Delignon, t'es passé au poteau. Non, sa race est toujours d'actu. Pour les impros crepettes, en compagnie de mes meilleurs potes, ils ne pourront jamais quitter ma tête. Pour mes textes de dingue envers soi, pour cette impro devant la caméra avec Kumna. A l'époque, encore d'Orala, chacun ses gars, chacun son coin, le mien, tous ses héros, un paquis. Mon blast, Daisy, après ils ont eu le S, pris la place du I. Faire place au projet légal G, pour la fondation de la famille. Je ne vous oublierai pas, j'y garde un peu la distance. Pas peur de voir venir ce putain de jour d'absence, où la terreur est constante, où le mal de tête ne soulage plus au postant. Ce son c'est pour tous mes potes, poster le torse en avant. En avant, en avant, en avant.